Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un peu de science-fiction. Sous le règne des Vikings, un homme de l'espace s'écrase sur Terre, en apportant avec lui une créature terrifiante, un prédateur extraterrestre. Alors que la bête plonge les environs dans le chaos, les Vikings, d'abord suspicieux envers ce mystérieux étranger, s'associent bientôt à lui pour en venir à bout, car lui seul pourra les mener à la victoire. Sous le règne des Vikings, un mystérieux guerrier échoua sur Terre. La légende raconte qu'il avait été choisi par les dieux. Norvège, 709 après Jésus-Christ, un messager a été envoyé, mais il n'est pas venu seul, par le producteur du Seigneur des Anneaux. Alors, qui es-tu, étranger? Qu'est-ce que tu faisais là? Je chassais. Tu chassais? Tu chassais quoi? Des dragons. Mon peuple l'appelle à Morwen. Tu crois que tu vas nous faire peur avec tes histoires à dormir debout? J'aimerais que tu me parles de ton fameux dragon. Ce ne sont pas des histoires. Il tue les hommes, les bêtes, tout ce qu'il trouve. On n'a pas ça ici. Bien sûr que si. Parce que c'est moi qui l'ai amené. Par tous les dieux. Jim Caviezel, John Hurt, Ron Perlman. Outlander, le dernier viking, 100% action pour ce DVD Whiteside.